بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل أيها الإخوة في شرح عملة الأحكام on continue les frères dans l'explication de عملة الأحكام نحن لا يزال الكلام في حديث عائشة في وصف صلاة الكسوف on continue à parler aujourd'hui du hadith de Aïcha dans la description de la prière du kusuf. Ce hadith qu'on a lu hier. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعد الصلاة وقد اختلف العلماء في ذلك. Il y a dans ce hadith le fait que le prophète صلى الله عليه وسلم il a fait un sermon aux gens après la prière. Et les savants ont divergé sur ce sujet. فذهب الطائفة إلى أنه يشرع بعد الصلاة أن يخطب الإمام خطبتين. Et donc il y a un groupe des savants qui voit qu'il est légiféré que l'imam après la salat il fasse deux khutbah. Après la prière du kusuf, que l'imam fasse deux khutbah. ذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس بعد صلاة الكسوف. Cela parce qu'il a été affirmé de façon authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un sermon aux gens après le kusuf, comme on a dans le hadith de Aïcha. أما وصف هذه الخطبة, en ce qui concerne la description de ce sermon, est-ce que c'est deux sermons ou un ou autre? فَقِيَاسًا عَلَى خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَالْعِدَيْنِ. En ce qui concerne la description de ce sermon, et donc ils ont fait une analogie, une comparaison avec le sermon qu'on a le vendredi ou le sermon du jour du Eid. C'est deux sermons. Et donc c'est pour ça que ces savants-là voient qu'il est légiféré de faire deux sermons après la prière du kusuf. القول الثاني وهو قول الجمهور. Le deuxième avis c'est l'avis de الجمهور. Excusez-moi, le premier avis c'est l'avis de l'imam الشافعي. L'avis de l'imam الشافعي. Le deuxième avis الجمهور, c'est-à-dire المالكيه, الحنفيه et aussi الحنابله. Donc l'école malikite, hanafite et hanbalite. قالوا إنه يشرع أو قالوا إنه لا يشرع للإمام أن يخطب بعد الصلاة. Ils ont dit qu'il n'est pas légiféré. Il n'est pas légiféré à l'imam qu'il fasse un sermon après la salat. طيب كيف نفعل مع حديث عائشة? Comment on fait avec le hadith de Aïcha? Hier on a vu le hadith de Aïcha. Aïcha qui nous a dit ثم انصرف. Et ensuite il a fini la prière. Et ensuite, il a fait un sermon aux gens. Elle dit Aïcha. Il a fait un sermon aux gens, elle l'a dit clairement. Et donc, comment on fait maintenant avec le fait que Aïcha, elle a dit clairement qu'il a fait un sermon. Et ces savants-là qui disent que non, il n'y a pas de sermon. Ils ont dit qu'Alou, El Mourad Bikalem Aïcha, radiallahu anha. لا يفهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة يعني إنما المراد أنه أراد أن يبين للناس أن الشمس والقمر آياتان من آيات الله فحسب. Ils disent on ne comprend pas de cela que le prophète صلى الله عليه وسلم il a réellement voulu faire un sermon comme il le fait Jumu'ah, comme il le fait le jour du Eid, où il y a un sermon qui est attendu. Non, là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la prière, il a juste voulu expliquer aux gens que le soleil et la lune sont deux signes parmi les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et que l'éclipse solaire ou l'éclipse lunaire n'est pas due à la mort ou à la vie de quiconque. El qawlu thalith wa huwa qawlun mansoub ila ba'di shafi'iyya wa ba'di al-hanabila. أنه يشرع يوم الجو أنه يشرع بعد الصلاة أن يخطب الإمام بخطبة واحدة كما جاء في حديث عائشة. Et donc le troisième avis c'est l'avis de certains savants de l'école Shafi'ite et certains savants de l'école Hanbalite. Ils disent que il est permis à l'imam qu'il fasse un sermon après avoir fait la salat. Il lui est permis qu'il fasse un sermon après avoir fait la salat. Pourquoi? Parce que c'est ce qui a été rapporté dans le hadith de Aïcha, de façon authentique. De façon authentique. وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ أَنَّهُ خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ. Il n'y a pas été cité de façon authentique que le prophète a fait deux sermons après la prière du Kousouf. إِذَنْ نَبْقُ عَلَى الْأَصْلِ. Et donc on reste sur la base, c'est le hadith de Aïcha, qu'il a fait un seul sermon. وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الرَّاجِحُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ اخْتِيَارُ الْإِمَامَيْنِ إِبْنِ بَازٍ وَإِبْنِ الْعُثَيْمِينَ مِنَ الْمُعَاصِرِينَ. Et cet avis, c'est le plus juste, inshallah ta'ala, le fait que l'imam fasse un sermon après le kousouf. Et cet avis, c'est aussi le choix des deux imams, le Cheikh Ibn Baz ainsi que Ibn Uthaymin, parmi nos savants contemporains. Et donc Aïcha, elle nous dit « Thumman sarafa wa qad tajallati ash-shams ». Donc le prophète, ensuite, il a fini la prière alors que le soleil a réapparu, l'éclipse s'est terminée. فَخَطَبَ النَّاسِ وَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. Alors, il a fait un sermon aux gens. Il a loué Allah et a fait ses éloges. ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ. Certes, le soleil et la lune sont deux signes parmi les signes d'Allah, qui ne s'éclipse pour la mort ou la vie de quiconque. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَدَعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا. Et si vous voyez cela, lorsque vous voyez cela, alors invoquez Allah. Et alors invoquez Allah Ta'ala et faites le takbir, priez et donnez l'aumône. ثُمَّ قَالْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ أن يزني عبده أو تزني أمته. Par Allah, aucun n'est plus jaloux que Allah, que son serviteur fornique ou que sa servante fornique. Ya أمّة محمد, ô communauté de Muhammad. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Ô communauté de Muhammad, si vous saviez ce que je sais, vous auriez peu rigolé et beaucoup pleuré. Ayyuha al-ikhwa, man yaqdiru ala an yakhluqa hadhihi ash-shams aw mithlaha. Ô mes frères, qui est capable de créer ce soleil ou une créature qui soit identique au soleil? Hadhihi al-harara allati tasilu ilayna ma'a hadhihi al-masafati at-tawila. Cette chaleur qui nous parvient malgré cette longue distance qui nous sépare. وهذه الحرارة التي تصل إلينا مع أنها تمر بأجواء باردة جدا. Et donc cette chaleur qui nous parvient malgré le fait qu'elle passe par des températures très très froides. Très froides. Il n'y a qu'à méditer lorsque tu prends l'avion. Juste tu prends l'avion, les gens ils te voient encore. T'es pas dans une zone où on te voit plus. On te voit encore, on voit encore l'avion. Malgré ça, parfois, tu vois marqué des moins 15, moins je ne sais pas combien. Que dire lorsque tu es plus haut encore? Et donc, cette chaleur, elle va traverser des zones très très froides. Et malgré cela, elle parvient jusqu'à nous. Et parfois, tu vas trouver des endroits où on est à 40, 50 degrés sur Terre ici. Ce qui montre la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa thakarat al-ulama anna man ta'ammala fi hadhihi ash-shams kayfa yunkiru bi wujudillah. Les savants nous disent, celui qui médite sur ce soleil, comment peut-il rejeter l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala? Hadhihi al-harara ayyuha al-ikhwa allati tasilu ilayna mundhu mi'at as-sinin. Cette chaleur qui parvient jusqu'à nous depuis des milliers d'années, depuis des centaines, des milliers d'années, et ça ne s'arrête pas, elle ne s'arrête pas, ça continue encore. Si tous les habitants de la terre, ils se rassemblent pour faire un feu comme le soleil, ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas. Et donc cela nous montre la puissance de celui qui a créé le soleil. Wa fil hadithi ithbat sifat al-ghayrati lillahi ta'ala. Il y a dans le hadith le fait d'affirmer l'attribut de jalousie concernant Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc si on vous demande est-ce que Allah parmi ses attributs il y a la jalousie, na'am. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit dans Rawdatul Muhibbin, wal ghayratu min sifati ar-rabbi 'azza wa jalla wal aslu fiha qawlullahi ta'ala قل إنما حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومن غيرته تعالى لعبده وعليه يحميه مما يضره في آخرته انتهى. Ibn al-Qayyim dit donc comme je l'ai cité dans Rawdatul Muhibbin, et la jalousie fait partie des attributs du Seigneur Azza wa Jal, et la base en cela, c'est-à-dire la preuve donc en cela, donc concernant la jalousie d'Allah tabaraka wa ta'ala, sa parole, qul innama harrama al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Certes, dit certes, il a interdit al-fawahish, les turpitudes, celles qui sont apparentes et celles qui sont cachées. Et parmi la jalousie d'Allah tabaraka wa ta'ala pour son serviteur et sur son serviteur, il y a le fait que Allah tabaraka wa ta'ala le protège. Il protège son serviteur de tout ce qui peut lui faire du tort dans l'au-delà. Tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a interdit, ça nous fait du tort dans l'au-delà. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala nous protège de cela. Comme ils nous disent, les savants, la jalousie, qu'est-ce que la jalousie? Qu'est-ce que la jalousie de l'homme? Qu'est-ce que la jalousie de la femme? C'est la réaction que tu vas avoir pour protéger ce pourquoi tu es jaloux. Il est jaloux concernant sa femme, pour sa femme. Il va donc chercher à la protéger des autres. La femme, elle est jalouse concernant son époux. Elle va chercher à le protéger des autres. Et donc, voilà comment les savants ils ont fait le lien entre la signification linguistique du terme et la signification législative dans notre religion. فالعبد ينبغي له أن يعلم أن الله تعالى يغار فحينئذ يترك كل ما حرمه الله تعالى ويجتنب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Et donc le serviteur, il convient qu'il sache que son Seigneur tabaraka wa ta'ala est jaloux, et à partir de cela le serviteur délaisse tout ce que Allah tabaraka wa ta'ala a interdit. Et il s'éloigne des turpitudes, celles qui sont apparentes et celles qui sont cachées. Wa kadhalika al-'abdu yagharu li-intihaki maharimillah. Wa hadhihi al-ghayra hiya al-ghayratu al-mahmuda an yaghara al-mu'min li-intihaki maharimillah. Et aussi le serviteur doit être jaloux lorsque les interdictions d'Allah sont violées. Lorsque les interdictions d'Allah sont violées, le serviteur doit être jaloux. Et c'est cette jalousie qui est louable. Certains, ils vont être jaloux concernant leur épouse, concernant leurs enfants, concernant leur maman, etc. Mais concernant la religion d'Allah, rien du tout. Il peut voir les gens dans les péchés, il peut voir les gens, il peut entendre les gens dire tout ce qu'ils veulent concernant Allah et son messager. Et ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Vous vous rappelez quand on a vu dans Sira ce qui s'est passé entre les compagnons et entre Ka'b ibn al-Ashraf. Lorsque Ka'b ibn al-Ashraf, lorsque les compagnons lui ont dit, donc pour essayer de le piéger, ils lui ont dit, nous sommes venus te demander une dette. Et lui, quand il a dit, qu'est-ce que vous me donnez en échange de cette dette, en garantie? Ils lui ont dit, dis ce que tu veux. Il leur a dit, moi, donnez-moi vos femmes. Il leur a dit, donnez-moi vos femmes. Là, certains peuvent dire, ah, ils n'ont pas eu de jalousie. Oh, ça aurait été moi, j'aurais. Non, ils ont eu une jalousie encore plus forte. Parce qu'eux, ils sont venus pour une cause. C'est parce que cet homme, il insultait Allah et son messager. Cet homme, il combattait l'islam. Donc eux, ils avaient une jalousie pour la religion d'Allah et son messager qui était au-dessus de leur jalousie pour leurs épouses. Et c'est là que nous, il faut qu'on essaie de nous corriger, de corriger les manquements que nous avons. Wa ilaykum hadithan. Et d'ailleurs, c'est pour cela que donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit concernant Sa'd. Ata'jabuna min ghayrati Sa'd. Est-ce que vous êtes choqué? Est-ce que vous êtes surpris de la jalousie de Sa'd? Wallahi. Inni aghyaru minhu. Inni la aghyaru minhu. Certes, moi, par Allah, je suis plus jaloux que lui. Je suis plus jaloux que Sa'd. Wallahu aghyaru minni. Et Allah est plus jaloux que moi. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وإليكم حديثا أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. Et je vais vous citer un hadith pour méditer concernant justement les turpitudes. Un hadith qu'a cité Ibn Majah et que Al-Albani rahimahullah a jugé hasan, correct. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les turpitudes, donc la fornication et autres, les turpitudes n'ont apparu dans une communauté à tel point qu'ils la font publiquement. Donc cette communauté accomplit cette turpitude publiquement. Sans que at-ta'un, la peste, ou alors l'épidémie. Sans que l'épidémie, ainsi que les souffrances qu'ils n'ont pas connues, ou que leurs prédécesseurs n'ont pas connus, se propagent parmi eux. Voilà pourquoi certains de nos salafs, ils disent, la cause de la propagation des épidémies, c'est intishar az-zina, la propagation de la fornication. La propagation de la fornication. Quand tu entends ça, et que tu vois le hal en France, comment la fornication, elle est ouverte, publique, à tous. Et comment cela se fait publiquement, sans le cacher? Encore plus grave encore, chez nos voisins en Belgique. Des vitrines, carrément, ils ont. Encore plus grave. Tu te dis, mais comment je fais pour rester là? Comment je fais pour rester là? Et donc, ça nous appelle à méditer, les frères. Wa fil hadith, ta'zim ou ithmiz az-zina. Il y a dans ce hadith le fait de montrer le grand danger du péché de la fornication. Que ce soit du côté des hommes ou des femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a cité les deux. An yazniya abduhu ou tazniya amatu. Que fornique son serviteur ou que fornique sa servante. Et donc cela est grave. La tazun ayyuhal akh al karim. Anna wuku' an nisa fi zina. Achad min wuku' al rijal. Ne pense pas, ô mon frère, que le fait que les femmes tombent dans la turpitude, dans la fornication, c'est plus grave que le fait que les hommes tombent dans la fornication. El amrani mujibani li ghayratillahi ta'ala. Les deux impliquent la jalousie d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Wa fil hadithi aydan. Annahu yanbari. Yanbari lana an nadhkura uqubatallahi tabaraka wa ta'ala da'iman. Il y a aussi dans le hadith le fait que nous devons nous rappeler du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala tout le temps. Tout le temps. Le prophète qui nous dit la ta'lamuna ma a'lam, si vous saviez ce que je sais, la dahiktum qalilan, vous auriez peu rigolé, wa la bakaytum kathiran, et vous auriez beaucoup pleuré. Quelqu'un qui est marqué par ça. Law kana al-mar'u ya'rifu haqiqatan ma yatarattabu 'ala ma'asihi ma kana yadhhak kama yadhhak al-an. Si l'individu savait réellement les conséquences de ses péchés, il n'aurait pas rigolé comme on rigole aujourd'hui. Il n'aurait pas rigolé comme cela. Pourquoi? À force d'avoir peur, à cause de la forte peur du châtiment. Et donc il faut, les frères, qu'on se rappelle de l'au-delà, qu'on se rappelle de la mort. Ça fait du bien. Et ça nous permet de nous aider à nous améliorer, à améliorer nos défauts. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de purifier nos cœurs et de nous éloigner de toute turpitude, celles qui sont claires et apparentes ainsi que celles qui sont cachées, et de nous faciliter à tous l'émigration. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan.